Chapitre 11 De l'homme à l'oreille cassée par Edmond Abou. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Où le colonel Fougas apprend quelques nouvelles qui paraîtront anciennes à mes lecteurs. Parmi les personnes présentes à cette scène, il n'y en avait pas une seule qui eût vu des résurrections. Je vous laisse à penser la surprise et la joie qui éclatèrent dans le laboratoire. Une triple salve d'applaudissements mêlés de cris salua le triomphe du docteur Nibor. La foule, entassée dans le salon, dans les couloirs, dans la cour et jusque dans la rue, comprit à ce signal que le miracle était accompli. Rien ne put la retenir. Elle enfonça les portes, surmonta les obstacles, culbuta tous les sages qui voulaient l'arrêter, et vint enfin débordée dans les cabinets de physique. « Messieurs, criait M. Nibor, vous voulez donc le tuer ?» Mais on le laissait dire. La plus féroce de toutes les passions, la curiosité, poussait la foule en avant. Chacun voulait voir au risque d'écraser les autres. M. Nibor tomba. M. Renaud et son fils, en essayant de le secourir, furent abattus sur son corps. Madame Renaud fut renversée à son tour aux genoux du colonel et se mit à crier du haut de sa tête. « Sacre bleu !» dit Fougas en se dressant comme par ressort. « Ces gredins-là vont nous étouffer si on ne les assomme. » Son attitude, l'éclat de ses yeux et surtout le prestige du merveilleux firent un vide autour de lui. On aurait dit que les murs s'étaient éloignés ou que les spectateurs étaient rentrés les uns dans les autres. « Hors d'ici, tous !» s'écria Fougas de sa plus belle voix de commandement. Un concert de cris, d'explications, de raisonnements s'élève autour de lui. Il croit entendre des menaces. Il saisit la première chaise qui se trouve à sa portée, la brandit comme une arme. Il pousse, frappe, culbute les bourgeois, les soldats, les fonctionnaires, les savants, les amis, les curieux, le commissaire de police et verse ce torrent humain dans la rue avec un fracas épouvantable. Cela fait, il referme la porte au verrou, revient au laboratoire, voit trois hommes debout auprès de Madame Renaud et dit à la vieille dame, en adoucissant le ton de sa voix. « Voyons, la mère, faut-il expédier ces trois-là comme les autres ?»« Gardez-vous-en bien !» s'écria la bonne dame. « Mon mari et mon fils, monsieur, et monsieur le docteur Nibor, qui vous a rendu la vie. » « En ce cas, honneur à eux, la mère. Fougas n'a jamais forfait aux lois de la reconnaissance et de l'hospitalité. Quant à vous, mon esculape, touchez-la. » Au même instant, il s'aperçut que 10 à 12 curieux s'étaient hissés du trottoir de la rue jusqu'aux fenêtres du laboratoire. Il marcha droit à eux et ouvrit avec une précipitation qui les fit sauter dans la foule. « Peuple, dit-il, j'ai culbuté une centaine de pandours qui ne respectaient ni le sexe ni la faiblesse. Ceux qui ne seront pas contents, je m'appelle le colonel Fougas, du 23e, et vive l'empereur !» Un mélange confus d'applaudissements, de cris, de rires et de gros mots répondit à cette allocution bizarre. Léon Renaud se hâta de sortir pour porter des excuses à tous ceux à qui l'on en devait. Il invita quelques amis à dîner le soir même avec le terrible colonel. Et surtout, il n'oublia pas d'envoyer un exprès à Clémentine. Fougas, après avoir parlé au peuple, se retourna vers ses hôtes, en se dandinant d'un air crâne, se mit à cheval sur la chaise qui lui avait déjà servi, releva les crocs de sa moustache et dit « Ah, ça, causons, j'ai donc été malade. » « Très malade. » « C'est fabuleux. Je me sens tout dispos. j'ai faim, et même en attendant le dîner, je boirai bien un verre de votre schnick. » Madame Renault sortit, donna un ordre et rentra aussitôt. « Mais dites-moi donc où je suis, » reprit le colonel. « À ces attributs du travail, je reconnais un disciple d'Uranie, peut-être un ami de Monge et de Berthollet. Mais l'aimable cordialité empreinte sur vos visages me prouve que vous n'êtes pas des naturels de ce pays de choucroute. Oui, j'en crois les battements de mon cœur. Amis, nous avons la même patrie. La sensibilité de votre accueil, à défaut d'autres indices, m'aurait averti que vous êtes français. Quel hasard vous ont amené si loin du sol natal. Enfants de mon pays, quelle tempête vous a jeté sur cette rive inhospitalière. Mon cher colonel, répondit Monsieur Nibor, si vous voulez être bien sage, vous ne ferez pas trop de questions à la fois. Laissez-nous le plaisir de vous instruire tout doucement et avec ordre, car vous avez beaucoup de choses à apprendre. Le colonel rougit de colère et répondit vivement. « Ce n'est toujours pas vous qui m'en remontrerez, mon petit monsieur. » Une goutte de sang qui lui tomba sur la main détourna le cours de ses idées. « Tiens, dit-il, est-ce que je saigne ? » ?»« Cela ne sera rien. La circulation s'est rétablie et votre oreille cassée. » Il porta vivement la main à son oreille et dit « C'est par Dieu vrai, mais du diable, si je me souviens de cet accident-là. Je vais vous faire un petit pansement, et dans 2 jours, il n'y paraîtra plus. Ne vous donnez pas la peine, mon cher Hippocrate. Une pincée de poudre, c'est souverain. » Monsieur Nibor se mit en devoir de le panser un peu moins militairement. Sur ces entrefaites, Léon rentra. « Ah ! Ah ! Dit-il au docteur, vous réparez le mal que j'ai fait. » Tonnerre ! S'écria Fougas en s'échappant des mains de Monsieur Nibor pour saisir Léon au collet. C'est toi, Clampin, qui m'as cassé l'oreille. Léon était très doux, mais la patience lui échappa. Il repoussa brusquement son homme. Oui, monsieur. C'est moi qui vous ai cassé l'oreille en la tirant, et si ce petit malheur ne m'était pas arrivé, il est certain que vous seriez aujourd'hui à 6 pieds sous terre. C'est moi qui vous ai sauvé la vie, après vous avoir acheté de mon argent, lorsque vous n'étiez pas coté plus de 25 louis. C'est moi qui ai passé 3 jours et 2 nuits à fourrer du charbon sous votre chaudière. C'est mon père qui vous a donné les vêtements que vous avez sur le corps. Vous êtes chez nous. Buvez le petit verre d'eau-de-vie que Goton vous apporte. Mais pour Dieu, quittez l'habitude de m'appeler Clampin, d'appeler ma mère la mère et de jeter nos amis dans la rue en les traitant de pandours. » Le colonel, tout ahuri, tendit la main à Léon, à Monsieur Renault et au docteur, baisa galamment la main de Madame Renault, avala d'un trait un verre à vin de Bordeaux rempli d'eau-de-vie jusqu'au bord et dit d'une voix émue « Vertueux habitant, oubliez les écarts d'une âme vive mais généreuse. Dompter mes passions sera désormais ma loi. Après avoir vaincu tous les peuples de l'univers, il est beau de se vaincre soi-même. » Cela dit, il livra son oreille à Monsieur Nibor, qui acheva le pansement. « Mais, dit-il, en recueillant ses souvenirs, on ne m'a donc pas fusillé ? Non, et je n'ai pas été gelé dans la tour ? Pas tout à fait. Pourquoi m'a-t-on ôté mon uniforme ? Je devine, je suis prisonnier. Vous êtes libre. Libre ! Vive l'empereur ! Mais alors, pas un moment à perdre. Combien de lieues d'ici à Dantzig ? C'est très loin. Comment appelez-vous cette bicoque ? Fontainebleau. Fontainebleau ? En France ? Seine-et-Marne, nous allions vous présenter le sous-préfet lorsque vous l'avez jeté dans la rue. Je me fiche pas mal de tous les sous-préfets. J'ai une mission de l'empereur pour le général Rapp. Et il faut que je parte aujourd'hui même pour Dantzig. Dieu sait si j'arriverai à temps. Mon pauvre colonel, vous arriveriez trop tard. Dantzig est rendu. C'est impossible. Depuis quand? Depuis tantôt 46 ans. Tonnerre! Je n'entends pas qu'on se moque de moi. Monsieur Nibor lui mit en main un calendrier et lui dit « Voyez-vous-même, nous sommes au 17 août 1859. Vous vous êtes endormi dans la tour de Liebenfeld le 11 novembre 1813. Il y a donc 46 ans moins 3 mois que le monde marche sans vous. 24 et 46! Mais alors, j'aurai 70 ans à votre compte. Votre vivacité montre bien que vous en avez toujours 24. » Il haussa les épaules, déchira le calendrier et dit en frappant du pied le parquet « Votre almanach est une blague. » Monsieur Renault courut à sa bibliothèque, prit une demi-douzaine de volumes au hasard et lui fit lire, au bas des titres, les dates de 1826, 1833, 1847, 1858. « Pardonnez-moi, » dit Fougas en plongeant sa tête dans ses mains. « Ce qui m'arrive est si nouveau. Je ne crois pas qu'un humain se soit jamais vu à pareille épreuve. J'ai 70 ans. » La bonne Madame Renault s'en alla prendre un miroir dans la salle de bain et le lui donna en disant « Regardez-vous. » Il tenait la glace à deux mains et s'occupait silencieusement à refaire connaissance avec lui-même, lorsqu'un orgue ambulant pénétra dans la cour et joua « Partant pour la Syrie. » Fougas lança le miroir contre terre en criant « Qu'est-ce que vous me contiez donc là? J'entends la chanson de la reine Hortense. » Monsieur Renault lui expliqua patiemment, tout en recueillant les débris du miroir, que la jolie chanson de la reine Hortense était devenue un air national et même officiel, que la musique des régiments avait substitué cette aimable mélodie à la farouche marseillaise, et que nos soldats, chose étrange, ne s'en battaient pas plus mal. Mais déjà le colonel avait ouvert la fenêtre et crié au Savoyard. « Eh, l'ami, un Napoléon pour toi, si tu me dis en quelle année je respire. » L'artiste se mit à danser le plus légèrement qu'il put, en secouant son moulin à musique. « Avance à l'ordre !» cria le colonel, « et laisse en repos ta satanée machine. » « Un petit chou, mon bon mouchu. Ce n'est pas un sou que je te donnerai, mais un Napoléon, si tu me dis en quelle année nous sommes. » « Cocher drôle, hi hi hi. Et si tu me le dis pas plus vite que ça, je te couperai les oreilles. » Le Savoyard s'enfuit, mais il revint tout de suite, comme s'il avait médité au trop la maxime « Qui ne risque rien, n'a rien. »« Mouchu, » dit-il d'une voix pateline, « nous sommes en 1859. »« Bon, » cria Fougas. Il chercha de l'argent dans ses poches et n'y trouva rien. Léon vit son embarras et jeta 20 francs dans la cour. Avant de refermer la fenêtre, il désigna du doigt la façade d'un joli petit bâtiment neuf où le colonel put lire en toutes lettres « Audrey, architecte, 1859. Renseignement parfaitement clair et qui ne coûtait pas 20 francs. » Fougas, un peu confus, serra la main de Léon et lui dit « Ami, je n'oublierai plus que la confiance est le premier devoir de la reconnaissance envers la bienfaisance. Mais parlez-moi de la patrie. Je foule le sol sacré où j'ai reçu l'être et j'ignore les destinées de mon pays. La France est toujours la reine du monde, n'est-il pas vrai ? Certainement, dit Léon. Comment va l'empereur ? Bien. Et l'impératrice ? Très bien. Et le roi de Rome ? Le prince impérial, c'est un très bel enfant. Comment, un bel enfant ? Et vous avez le front de dire que nous sommes en 1859 ? Monsieur Nibor prit la parole et expliqua en quelques mots que le souverain actuel de la France n'était pas Napoléon Ier, mais Napoléon III. « Mais alors ! » s'écria Fougas, « mon empereur est mort !»« Oui, c'est impossible. Racontez-moi tout ce que vous voudrez, excepté ça. Mon empereur est immortel !» Monsieur Nibor et les Renault, qui n'étaient pourtant pas historiens de profession, furent obligés de lui faire en abrégé l'histoire de notre siècle. On alla chercher un gros livre écrit par Monsieur de Norvin et illustré de belles gravures par Raffet. Il n'accepta la vérité qu'en la touchant du doigt. Et encore, s'écriait-il à chaque instant, « C'est impossible! Ce n'est pas de l'histoire que vous me lisez! C'est un roman écrit pour faire pleurer les soldats !» Il fallait en vérité que ce jeune homme eut l'âme forte et bien trempée, car il apprit en 40 minutes tous les malheurs que la fortune avait répartis sur 18 années, depuis la première abdication jusqu'à la mort du roi de Rome. Moins heureux que ses anciens compagnons d'armes, il n'eut pas un intervalle de repos entre ces chocs terribles et répétés qui frappaient tout son cœur au même endroit. On aurait pu craindre que le coup ne fît balle et que le pauvre Fougas ne mourût dans la première heure de sa vie. Mais ce diable d'homme pliait et rebondissait tour à tour comme un ressort. Il cria d'admiration en écoutant les beaux combats de la campagne de France. Il rugit de douleur en assistant aux adieux de Fontainebleau. Le retour de l'île d'Elbe illumina sa belle et noble figure. Son cœur courut à Waterloo avec la dernière armée de l'Empire et s'y brisa. Puis il serrait les poings et disait entre ses dents « Si j'avais été là, à la tête du 23e, Blücher et Wellington auraient bien vu. » L'invasion, le drapeau blanc, le martyre de Sainte-Hélène, la terreur blanche en Europe, le meurtre de Murat, ce dieu de la cavalerie, la mort de Ney, de Brune, de Mouton du Vernet et de tant d'autres hommes de cœur qu'il avait connus, admirés et aimés, le jetèrent dans une série d'accès de rage. Mais rien ne l'abattit. En écoutant la mort de Napoléon, il jurait de manger le cœur de l'Angleterre. La lente agonie du pâle et charmant héritier de l'Empire lui inspirait des tentations d'éventrer l'Autriche. Lorsque le drame fut fini et le rideau tombé sur Schönbrunn, il essuya ses larmes et dit « C'est bien, j'ai vécu en un instant toute la vie d'un homme. Maintenant, montrez-moi la carte de France. » Léon se mit à feuilleter un atlas, tandis que Monsieur Renault essayait de résumer au colonel l'histoire de la Restauration et de la monarchie de 1830. Mais Fougas avait l'esprit ailleurs. « Qu'est-ce que ça me fait, disait-il, que 200 bavards de députés aient mis un roi à la place d'un autre ? Des rois ! J'en ai tant vu par terre. Si l'Empire avait duré 10 ans de plus, j'aurais pu me donner un roi pour brosseur. » Lorsqu'on lui mit l'atlas sous les yeux, il s'écria d'abord avec un profond dédain. « Ça, la France !» Mais bientôt deux larmes de tendresse, échappées de ses yeux, arrosèrent l'Ardèche et la Gironde. Il baisa la carte et dit avec une émotion qui gagna presque tous les assistants. « Pardonne-moi, ma pauvre vieille, d'avoir insulté à ton malheur. Ces scélérats que nous avions rossés partout ont profité de mon sommeil pour rogner tes frontières. Mais petite ou grande, riche ou pauvre, tu es ma mère, et je t'aime comme un bon fils. Voici la Corse, où naquit le géant de notre siècle. Voici Toulouse, où j'ai reçu le jour. Voilà Nancy, où j'ai senti battre mon cœur, où celle que j'appelais mon églée m'attend peut-être encore. France, tu as un temple dans mon âme. Ce bras t'appartient. Tu me trouveras toujours prêt à verser mon sang jusqu'à la dernière goutte pour te défendre ou te venger. Fin du chapitre 11, enregistré par Margot.